Chapitre 23. Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans. 1. Monsieur. Un sourire discret, puis un éclat de brillante gaieté, auquel succèdent les cris arrachés par les douleurs de la mort la plus cruelle, ainsi pourrait se résumer la vie singulière et la fin mystérieuse de Madame Henriette. Ce siècle de Louis XIV, en apparence si ouvert et si lumineux, a ses mystères, ses angles ténébreux, où le jour n'a point pénétré. Parmi les sculptures triomphales qui racontent la gloire du roi de Versailles, dit un éminent écrivain, quelques sphinx se tiennent encore accroupis dans l'ombre, gardant leurs secrets. Un de ces sphinx, une de ces énigmes, est la mort d'Henriette d'Angleterre. Mais racontons sa vie. Elle était fille de la reine Henriette Marie et de Charles Ier, et était née à Exeter, le 16 juin 1644. Dès sa naissance, elle connut le malheur et l'exil. Sa mère fuyait devant les armées parlementaires lorsqu'elle fut apportée en France dans les bras de sa nourrice. Et son père, qu'elle ne connut point, restait à Londres, voué à l'échafaud. La cour de France ne se montra point généreuse pour cette reine fugitive et sa fille. La reine Henriette, la fille de Henri IV, souffrit au Louvre de la faim et du froid. Elle éleva sa fille plutôt comme une personne privée que comme une princesse. Ce qui fut cause, dit Madame de Lafayette, qu'elle prit toutes les lumières, toute la civilité, toute l'humanité des conditions ordinaires. L'ombre de l'infortune faisait la solitude autour de son enfance. Les courtisans sont des parasites qui ne vivent que dans les chauds rayons de la fortune. Ils l'évitaient. Pauvre, mal mise, on ne la voyait pas. Ce fut par obéissance à la volonté de sa mère et avec un déplaisir marqué que le jeune Louis XIV consentit à danser un jour avec cette cendrillon des princesses. L'orgueil chez lui n'attendait pas le nombre des années. Aussi repoussa-t-il hautement le projet d'Anne d'Autriche qui voulait le fiancer à la fille du roi décapité. Mais aussi tout changea lorsque la révolution de 1660 rétablit la monarchie en Angleterre et replaça Henriette sur les premières marches d'un trône. Elle avait alors 17 ans. Chétive jusque-là, elle prit de la beauté aux premières caresses de la fortune. Un beau teint, des yeux pleins d'une puissance fascinatrice, des manières élégantes auxquelles s'ajoutait le charme d'un esprit vif et enjoué. Sa coquetterie intelligente sauvait la vulgarité de ses traits et déguisait les défauts de sa taille, à tel point qu'elle obtint à la cour de Charles II un véritable succès et fit dès les premiers jours la conquête de Buckingham. À son retour en France, Buckingham l'accompagna et, comme elle était gravement indisposée, il laissa paraître les marques d'un tel désespoir que la reine-mère en appréhenda quelques éclats scandaleux et lui enjoignit, à leur arrivée au Havre, de les devancer à Paris. Il y avait un projet de mariage. Louis XIV, désirant continuer avec l'Angleterre les bonnes relations formées par Mazarin, avait offert à Charles II de marier son frère, monsieur, à Henriette. La proposition avait été acceptée et le mariage était décidé avant que ceux qu'il devait lier eussent été consultés. Cette union fut célébrée le 31 mars 1661 dans la chapelle du Palais Royal. Elle ne fut accompagnée d'aucune fête parce que l'on était en carême. Henriette passa du palais royal aux Tuileries, mais n'eut pas près de son mari le même succès que près de Buckingham. Ce dernier n'était que vaniteux. Monsieur était un fat qui ne vivait que dans le culte et l'admiration de sa personne. Il était trop occupé de se parer et de s'admirer pour remarquer sa femme. Il daigna lui témoigner quelque amitié et encore ce sentiment s'éteignit-il vite. Il s'est peut-être vanté en prétendant qu'il l'avait aimée 15 jours. Cependant, Henriette pouvait trouver dans la cour brillante qui l'entourait une juste compensation. Elle était devenue ce que nous appelons aujourd'hui une étoile. Elle avait suivi la famille royale à Fontainebleau et dans cette résidence, elle avait distingué parmi ses adorateurs le comte de Guiche, un des plus beaux et des plus aimables gentilshommes. Alors, comparant sa jeunesse abreuvée de dédain avec sa situation présente, et n'écoutant plus que la voix de désir longtemps contenue par la pauvreté, elle ne songea plus qu'à se divertir et à plaire. Elle devint ainsi toute la joie et tout l'agrément de la cour. Elle était l'âme de toutes ces fêtes. Sa gaieté, le goût qu'elle témoignait pour les divertissements qui plaisaient à Louis XIV, le soin qu'elle prit de s'entourer des personnes qui lui étaient agréables attirèrent bientôt le roi dans le cercle de sa belle-sœur. Elle voulait se venger des dédains de Louis. Elle n'avait oublié ni la scène du bal, ni le refus de mariage. Sa coquetterie triompha facilement du roi. Elle l'attira, feignit de fuir, se laissa poursuivre, renouvela avec lui pour la 100 000e fois le manège de la bergère de Virgile qui fuit sous les saules et désire être vue. Elle se souvenait, dit madame de Motteville, que Louis l'avait autrefois méprisée quand elle aurait pu prétendre à l'épouser. Et le plaisir que donne la vengeance lui faisait voir avec joie de contraires sentiments qui paraissaient s'établir pour elle dans l'âme du roi. Bientôt la reine, la placide et patiente Marie-Thérèse, en prit ombrage. Elle se plaignit à la reine-mère. Les tendres relations avec sa belle-sœur n'étaient plus un mystère pour personne. Même monsieur qui, s'arrachant à son miroir, fut à son tour témoigner son mécontentement à Anne d'Autriche. Depuis longtemps écartée des affaires, la vieille reine n'était pas fâchée d'avoir une fois encore à faire acte d'autorité. Elle intervint entre les jeunes époux. Mais l'inspiration de l'habile Mazarin lui manquait. Elle fut maladroite et consomma la brouille. Tout cela, dit madame de Lafayette, faisait un cercle de redites et de démêlés qui ne laissait de repos ni aux uns ni aux autres. Les deux amants, également sermonnés, se consultèrent. Ils convinrent d'une ruse de guerre. Louis fut invité par Henriette à donner le change aux médisants en faisant la cour à une des dames d'honneur de la princesse. Il y consentit, mais le traître ne prit pas la première venue. Il choisit la plus jolie, mademoiselle de la Vallière. Il fut pris au piège qu'il tendait. Il s'en consola, comme l'on sait, mais Henriette en demeura confuse et irritée. Il lui fallait sa vengeance. « Et monsieur » demandera-t-on. « Monsieur » se suffisait à soi-même. Il avait « monsieur ». 2. Le comte de Guiche. La vengeance d'Henriette était toute prête. Ce ne fut pas elle la première qui l'aperçut, ce fut la plus délurée et la plus intrigante de ces dames d'honneur, mademoiselle de Montalais. Monsieur de Guiche, toujours épris, faisait pied de grue, se disant, pour se consoler d'une si longue attente, que l'amour d'un roi n'est jamais qu'un caprice. La Montalais vint au-devant de lui et l'encouragea. Il n'avait plus qu'à écrire. Elle se chargeait des lettres. Une correspondance s'entama, puis vinrent des rendez-vous très mystérieux, jusqu'à ce que le mystère laissa tomber ses voiles sur le nez de monsieur, qui se fâcha. Mais on ne s'emporte point ainsi sans raison plausible. Vous vous récriez, vous jugez et condamnez votre femme, mais il faut des preuves. Monsieur chercha, fit du bruit, du scandale, et, joué par la Montalais et Henriette, dut se contenter d'une conviction morale. Pas de preuves. Et il entendait autour de lui rire et chuchoter les coupables et leurs complices. Il se plaignit à Louis XIV. Son frère n'ignorait rien et n'avait pas vu, sans un secret déplaisir, les consolations du comte de Guiche si vite acceptées. Mais il ne voulut pas intervenir. Monsieur fit à madame une guerre de coups d'épingle. Il lui marqua son mépris en toute occasion. Il lui prodigua les épigrammes les plus cruelles. Et Henriette, étant tombée malade à la suite de ses couches, il dit un jour à Louis, qui lui parlait d'astrologie, « On m'a prédit que j'aurais plusieurs femmes. En l'état où est madame, j'ai raison de croire à cette prédiction. » Le roi répéta ce propos dans des circonstances qui lui donnaient une terrible portée, comme on le verra plus loin. Cependant, il faisait grand cas de l'intelligence de sa belle-sœur. Et lorsque Charles II entra dans la ligue formée contre lui, ce fut Henriette qu'il choisit pour tenter de rallier à la France la politique du roi d'Angleterre. Sans en parler à personne, même à monsieur, il la chargea de cette mission. L'Espagne venait par un traité de lui abandonner plusieurs villes des Flandres. Il saisit cette occasion pour faire un voyage dans le nord. Il visita Arras, Tournai, Courtrai, et ce fut alors qu'Henriette reçut un message du roi Charles qui la priait de venir à Douvres. Elle partit au grand étonnement de son mari. Les résultats de cette entrevue ont été fort discutés. Les uns ont prétendu que la princesse avait reçu le meilleur accueil et gagné le roi Charles. D'autres ont affirmé le contraire. Les faits semblent donner raison à ces derniers. En somme, à son retour à la cour de France, le roi entoura Henriette des marques de la plus haute considération. Jamais elle ne fut plus en faveur. Il en fut autrement pour elle du côté de son mari. Monsieur avait souffert dans son amour-propre. On l'avait tenu à l'écart, on l'avait laissé à la porte du conseil où sa femme était entrée. Il s'en vengea en accablant celle-ci de méchants propos. Elle en pleura de chagrin ou de dépit. C'était de la part de monsieur la rage de l'impuissance. Et néanmoins, elle dut le suivre à Fontainebleau et se résigner à sa compagnie. Une singulière visite qu'elle fit alors dans un petit couvent des environs vint jeter quelques distractions à son chagrin. Dans ce moment vivait une religieuse, inconnue au monde, et qui n'apparaissait à personne, pas même à travers les grilles du parloir. C'était une mauresque. Bon temps, le valet de chambre du roi et le confident des secrets du règne l'avaient placée dans ce couvent tout enfant et payaient pour elle une pension princière. La reine, lorsqu'elle venait à Fontainebleau, ne manquait jamais de visiter la recluse. Cadeaux et bénéfices, dotations et privilèges pleuvaient sourdement sur ce monastère obscur. Monseigneur y allait quelquefois et un jour il y mena les enfants de France. La nonne mystérieuse était traitée dans le couvent sur le même pied qu'une abbesse à crosse et à mitre. On la cachait et on l'honorait comme ces madones noires attribuées à Saint-Luc qui fait des miracles et attire des pèlerinages. Il n'est pas une madone noire qui ne soit miraculeuse. La couleur oblige. Cette nonne se montrait très fière des mystères dont on l'entourait. Elle prenait envers ses compagnes des airs de reine de Saba. Un jour que l'on entendait du couvent sonner les cors et aboyer la meute de la vénerie du dauphin, il lui échappa de dire « C'est mon frère qui chasse ». Le bruit courait en effet à la cour qu'elle était fille du roi et de la reine et que l'on s'était hâté de l'avouer à l'oubli. On allait même plus loin dans les suppositions que provoquait cette énigme. N'osant attaquer la vertu de la reine, on attribuait la couleur sombre de cette jeune nonne à l'impression produite chez la reine par la présence d'un négrillon qu'elle avait à son service. Quoi qu'il en soit, l'existence de cette bizarre figure est certaine et son double voile n'a jamais été soulevé. Elle est restée une énigme plus impénétrable que le masque de fer. La duchesse d'Orléans interrogea avec bonté la nonne mystérieuse. Mais celle-ci, n'ignorant point sa qualité, se renferma dans une réserve extrême dont elle ne se départait guère qu'avec ses inférieurs. On disait au couvent qu'elle avait le don de connaître l'avenir et elle laissait dire. Aussi répondit-elle à Henriette, qui lui demandait si elle était satisfaite de son sort, qu'elle se croyait dans les murs du cloître à l'abri de bien des malheurs qui, du jour au lendemain, pouvaient atteindre les plus grandes princesses de la terre. Elle devait en effet survivre à Henriette. Le lendemain de cette entrevue, cette dernière quittait Fontainebleau pour Saint-Cloud, tandis que la cour rentrait à Versailles. 3. Madame se meurt, Madame est morte. Mais on était en été. Ce charmant séjour de Saint-Cloud, ces frais ombrages, ce paysage riant, ne tolère pas la mélancolie. Malgré l'humeur maussade du mari, la bonne humeur revint au cœur d'Henriette. Et qui sait, peut-être encore son imagination, dégagée des intrigues politiques, ébauchait-elle quelque galant idylle où elle donnait au comte de Guiche un successeur. Nous ne l'avons lu dans aucun mémoire du temps et nous n'avons pas envie de refaire à son sujet une nouvelle série de Nuits de Saint-Cloud. Rien donc ne faisait pressentir une catastrophe. Le 28 juin, Madame avait été indisposée, mais ce malaise s'était dissipé. Le 29, elle était encore souffrante et s'était couchée sur les carreaux de sa chambre. Vers midi, ressentant des douleurs d'entrailles, elle prit son gobelet de vermeil et se versa un verre d'eau de chicorée. Ses coliques redoublèrent avec une violence tellement subite et intense qu'elle s'écria « Ah, je suis empoisonnée !» À ses cris, tout le monde accourut et monsieur lui-même daigna venir, mais il ne parut ni chagrin ni effrayé. Cependant, Henriette changeait à vue d'œil. Son état devenait alarmant. On envoya un courrier à Versailles. Le roi, à cette nouvelle, envoya de suite un de ses médecins, M. Valot, et peu après partit avec la reine pour Saint-Cloud. À son arrivée au château, on lui dit que madame était au plus mal, qu'elle se mourait. Et cependant, il ne put remarquer sur les visages des serviteurs et des familiers l'expression de la douleur ou même de l'inquiétude. Personne ne semblait affligé. Le roi trouva Henriette étendue sur un petit lit fait à la hâte. Elle était pâle, échevelée, ses traits étaient bouleversés, elle se tordait dans des convulsions affreuses en criant qu'elle avait du feu dans l'estomac, en demandant en grâce la panacée du temps, un grain d'émétique. Mais on la laissait se tordre et crier. Nul ne s'occupait d'elle. Les médecins s'entre-regardaient en silence. La princesse vivrait-elle ou mourrait-elle selon les règles de la science? Quel nom convenait à sa maladie? Devrait-on, en si belle occasion, inventer un nom nouveau? Le ferait-on avec du grec ou avec du latin ? Tels étaient les problèmes qui s'agitaient sous les perruques de ses confrères de l'illustre Fagon, de ses médecins de Molière. Le roi, impatienté de leur attitude, se récria « Hé, messieurs » dit-il, « on n'a jamais laissé une femme mourir ainsi sans secours !»« Sire, répondit le docteur Valot, le mal n'est pas dangereux. »« Quelle maladie est-ce ? C'est une simple colique qui dure quelquefois de 9 à 10 heures, 24 au plus. Mais arrêtez-la ! Il faut que le mal ait son cours. » C'est une crise naturelle qu'il serait imprudent de contrarier. » Cette opinion semblait partagée de tout le monde, car dans la chambre de la malade, le roi seul était inquiet. On allait, venait, causait, le sourire aux lèvres, sans souci de la peine qu'un tel spectacle d'indifférence devait causer à l'infortunée Henriette. Cependant, l'état de celle-ci empirait d'instant en instant. Mademoiselle de Montpensier le remarqua et s'approcha de monsieur, à qui elle demanda si elle ne croyait pas prudent de faire donner à sa femme les secours de la religion. Monsieur regarda Henriette et répondit, sans s'émouvoir, « Oui, vous avez raison, elle est bien bas, mais le confesseur de madame est un capucin obscur et peu capable. Voyons, quel autre pourrait-on trouver dont le nom figurerait bien dans la gazette, comme ayant assisté madame dans ses derniers moments ?» Tandis qu'il faisait cette réflexion charitable, la malade râlait. Sa gorge enflammée ne laissait plus passage qu'à des cris étouffés. Ses regards seuls pouvaient encore implorer la pitié. Leur expression désespérée impressionnait si péniblement le roi et la reine que leurs majestés se retirèrent et regagnèrent Versailles. L'ambassadeur d'Angleterre, Lord Montagu, prévenu de la maladie de la princesse, arriva à Saint-Cloud peu de temps après le confesseur. À peine eut-il questionné les gens que son opinion fut formée, il conclut à un empoisonnement. C'est que cette époque, sous sa gloire, sous son faste, cachait plus d'affreux mystères et plus de poisons que le règne des Borgia. Comptez que d'illustres victimes sur lesquelles on a cru retrouver les traces du poison, Madame Henriette, la reine d'Espagne, la première dauphine, le duc et la duchesse de Bourgogne, le duc de Berry, Louvois, et à leur suite une foule de morts célèbres. Tandis que Racine écartait Locuste, par décence, de sa tragédie de Britannicus, Locuste, ressuscité, reparaissait dans les hôtels des grands seigneurs et les palais royaux. Elle se glissait partout, jusqu'au chevet des alcôves, jusqu'au lit d'hôpital. Aussi Lord Montagu, en s'approchant d'Henriette expirante, voulut un éclaircissement à ce sujet. « Madame, lui dit-il, n'avez-vous pas dit que vous étiez empoisonnée ?» Elle voulut répondre, son confesseur la conjura de se taire. « N'accusez pas, dit-il, oubliez la terre, préparez-vous à la paix éternelle. » En vain l'ambassadeur, indiscret par profession, insista-t-il, Henriette garda le silence. Elle mourut le lendemain, à 3 heures du matin. Son mari ne fit pas l'hypocrite et ne feignit point une douleur qu'il ne ressentait pas. Le roi en fut très impressionné, et ce fut à l'occasion de cette mort que Bossuet prononça sa célèbre oraison funèbre, où il s'écriait « Madame se meurt, Madame est morte ». Très belle rhétorique, mais contraire à la vérité. La malheureuse n'était pas morte si vite, et ses coliques avaient duré le temps prescrit par le docteur Valot. Enfin, la consternation n'avait pas été telle que nous l'a dépeinte l'orateur sacré. La cour de Saint-Cloud avait pris exemple sur son maître et montré l'indifférence la plus cynique. Le roi adressa à Charles II la lettre suivante. « Monsieur mon frère, la tendre amitié que j'avais pour ma sœur vous était assez connue pour que vous n'ayez pas de peine à comprendre l'état où m'a réduit sa mort. Dans cet accablement de douleur, je puis dire que la part que je prends à la vôtre pour la perte d'une personne qui vous était si chère aussi bien qu'à moi est encore un surcroît de l'excès de mon affliction. Le seul soulagement dont je suis capable est la confiance qui me reste que cet accident ne changera rien à nos affections et que vous me conserverez les vôtres aussi entières que je vous conserverai les miennes. Je me remets du surplus au sieur Colbert, mon ambassadeur. Signé Louis. » Cependant, les bruits d'empoisonnement persistaient. L'autopsie du cadavre avait été faite par plusieurs médecins du roi, auxquels un chirurgien anglais avait été adjoint. Ces messieurs déclarèrent qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de poison, que Madame Henriette était morte d'une colique causée par une bile échauffée, à laquelle la science donnait le nom de choléra morbus. Ce nom était une trouvaille, une découverte. Il frappait pour la première fois les oreilles du public. Mais le public garda ses soupçons. Ce fut en vain également que les experts déclarèrent parfaitement saine l'eau de chicorée dont Henriette avait fait usage. l'imagination était montée et suspectait la véracité de ses déclarations officielles. Des esprits fort sérieux, d'ailleurs, croyaient à un crime, entre autres Saint-Simon. Voici donc ce que l'on prétendait. On accusait deux aventuriers, le chevalier de Lorraine et Defia. Le premier, disait-on, avait envoyé d'Italie à son complice un de ces poisons subtils dont jadis Catherine de Médicis avait le secret, et Defia en avait frotté le bord du gobelet de vermeil dont se servait Henriette. Plus tard, Madame de Grancey, maîtresse de Monsieur, Madame de Clérambault, gouvernante des enfants de Madame, le chevalier de Beuvron, furent compromis par de fausses déclarations de la marquise de Brinvilliers au sujet de la mort d'Henriette. Mais on n'apprit rien de positif. Quant à l'histoire moderne, elle rejette ces accusations et conclut à la mort naturelle.